C'est encore toi, enfoiré. La vie, c'est pas qu'on a mis. Tu peux te faire donner par ton ami. Tu peux te faire trahir par ton amour. Tu peux avoir un traître à ton anniv. On s'était dit soudé pour la vie. Mais bon, la vie, c'est pas que des mots. Moi, quand je chante, je mets l'autotune. J'ai pas fait la Star Academy. Je suis de l'époque K2000. Tu fais le gros de loin. Quand il faut qu'on se voit, tu reportes qu'à demain. Surveille la moto, il la lève même si t'as l'alarme, le cadenas. Éloignez ces gars de nous. Je range les uns, ils me disent gâte nous. À Marseille, c'est 4-4. Faut pas la pute si le gars te guette. Tête à moucher dans le 4-4. Sois pas bavard si la bague te bête. Pète. 7 sur 7 hallucine. Tu viens me voir, gros, t'hallucines. Et le guetteur, il reste à l'affût. Parce qu'il rate la race, il est pas lucide. Te moque pas s'il a pas les sous. Fais gaffe quand tu sors, qu'il y a pas lessive. Quand ça part à la gratte, ça cache la plaque au scotch adhésif. On fume la moula des îles. Crois pas qu'on est imbécile. Et le game, je crois, je l'ai baisé. À Salto comme au Brésil. Y'a un ovni dans la zone. Po. Fais la fille de Pouki l'iPhone. Po. Ça cherche à acheter la matane. Po. J'suis en stone, Islam dans la stone. Po. Y'a un ovni dans la zone. Po. Fais la fille de Pouki l'iPhone. Po. Ça cherche à acheter la matane. Po. J'suis en stone, Islam dans la stone. Po. La miss, elle a trop faim. Sur Insta, elle m'envoie les bzézoules. Elle m'écrit Jules, j't'aime ma vie. J'te fais des gros bisous. À l'affût quand ça dégaine, parce que j'aime pas me faire filmer. On pourra aller très loin si tous ensemble on s'y met. La vie, c'est pas Walt Disney. J'fais pas le gros face à 10 mecs. Le poteau, il est normal. Après, il change face à 10 schneck. J'ai de la beuh couleur Hulk. Faire attention de pas la jeter. T'aimes quand tu te lèves le matin. Que ton fils, il te dit papa, je t'aime. Il vaut mieux qu'il dise papa, je t'aime. Que papa où t'es. Moi quand je donne plus de conseils, c'est qu'on m'a pas écouté. Coup de. Si tu me fais un coup de bouton, si tu suis les trous du cul comme un mouton. Moi c'est ma team, pas besoin du bouton. C'est eux qui font les streams. Je les laisse jouer la street. C'est eux les banditos. Je les laisse dans leur matrix. Y'a un ovni dans la zone. Po. Fais la fille de Pouki l'iPhone. Po. Ça cherche à acheter la matane. Po. J'suis en stone, Islam dans la stone. Po. Tu fais le voyou, moi ça on est pas dans ma belle. Le petit insulte ta mère, il a encore la morvelle. Elle parle avec Code Ahlel, avec l'autre elle est à l'autre.